Si ka rive ta part dhe knock knock. Kis ke la po e mor shi gaun. Kis ke la po e mor shi gaun. Kis ke la po e mor shi gaun. Kis ke la po e mor shi gaun. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Vendredi 5 novembre, les Patriotes hockey affrontent Lipissing au Colisée de Trois-Rivières à 19h15. Samedi 6 novembre, les Patriotes hockey se mesurent à Ryerson au Colisée de Trois-Rivières à 14h. Samedi 6 novembre, les Patriotes natation sont les hôtes de la 3e Coupe universitaire de natation au CAPS de l'UQTR dès 13h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/Patriotes. Le soleil luit pour tout le monde, une émission biographique dynamique qui porte sur un artiste francophone. Chaque semaine, une nouvelle découverte vous appelle. Soyez-y! Dès 9h, les mardis matins, sur C'est fou 89.1. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Soir, entrez dans la spirale dès 18h sur C'est fou 89.1. En rediffusion le mercredi de 14 à 15h. Anonyme sont la mèche en marchant mes crayons. C'est fou ça. 89.1. Anonyme, moi je perds mon temps. En me mentant, affirmant être heureux d'un printemps. On est ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Connaître Ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Véronique Bazinet, votre co-animatrice pour la saison automnale 2010. Ce matin, notre émission portera sur la vie associative des sages-femmes. Nous parlerons des divers organismes et leurs mandats en nous concentrant principalement sur l'Association canadienne des sages-femmes, l'ACSF, ou CAM en anglais, qui signifie Canadian Alliance of Midwives. En effet, nous avons la chance d'avoir une expertise tout près ici à l'université. Nous recevrons donc deux membres actifs de l'association. En première partie, nous recevrons Mme Emmanuelle Hébert, sage-femme et enseignante au baccalauréat en pratique sage-femme, qui viendra nous parler de son implication au niveau national. En deuxième partie, nous présenterons une entrevue avec Chantal Gauthier-Vaillancourt, une étudiante de troisième année au baccalauréat en pratique sage-femme. Vous êtes à C'est fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Ils ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Bon matin. J'espère que la semaine de lecture a été des plus fructueuses pour vous toutes et tous. Et j'espère aussi que vous avez célébré l'Halloween dans la joie. En tout cas, c'est ce que la Coalition pour la pratique sage-femme de Rosemont-Petite-Patrie a fait à Montréal en organisant un grand rassemblement festif le dimanche 31 octobre à midi. Cet événement avait pour but de réclamer une maison de naissance dans leur quartier. Près de 150 personnes se sont réunies pour demander à ce qu'il y ait plus d'avancement pour le démarrage des maisons de naissance qui sont prévues dans la politique de périnatalité 2008-2018. Lors de notre émission du 13 octobre dernier, nous avons parlé du développement des maisons de naissance et de la pratique sage-femme au Québec. Nous avions alors abordé brièvement divers groupes associatifs touchant la profession sage-femme. Ce matin, nous allons les définir davantage et nous pencher plus sur ceux-ci. Au niveau provincial, il y a deux acteurs majeurs, l'Ordre des sages-femmes du Québec et le Regroupement des sages-femmes du Québec. L'Ordre a été constitué en 1999 avec la légalisation de la pratique sage-femme et de sa reconnaissance comme profession légale. Le mandat de l'Ordre consiste à la protection du public. Il vise aussi à offrir un environnement favorable au développement professionnel sage-femme au Québec. C'est l'Ordre qui a d'ailleurs énoncé la philosophie de pratique des sages-femmes du Québec. Le Regroupement des sages-femmes du Québec a, quant à lui, comme énoncé une mission de travailler au développement de la profession et de sa spécificité à l'intérieur du système de santé québécois. Il défend le libre choix des lieux d'accouchement pour les femmes, soit le domicile, la maison de naissance ou le centre hospitalier. Puis tout cela se fait en conformité avec les normes de pratique de la profession ainsi que sa philosophie de pratique. Le regroupement a pour mission de défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres. Il est reconnu au ministère de la Santé et des Services sociaux comme porte-parole des sages-femmes exerçant leur profession légale au Québec. Le regroupement des sages-femmes est d'ailleurs actuellement en négociation avec le ministère quant aux conditions de travail salariales des sages-femmes. Les deux associations, soit l'Ordre des sages-femmes du Québec et le Regroupement des sages-femmes du Québec, ont à cœur le déploiement de l'offre des services sages-femmes partout au Québec, mais aussi en tout ce qui a trait à la santé périnatale. C'est pourquoi on peut parfois les entendre réagir dans les médias quant à divers sujets touchant la périnatalité. Au niveau national, on retrouve l'Association canadienne des sages-femmes, l'ACSF, qui a comme mission d'ouvrir la voie et d'assurer un soutien à la profession sage-femme en tant que profession réglementée et financée par l'État. Pour la CSF, la profession sage-femme joue un rôle vital au sein du système des soins de maternité primaire dans l'ensemble des provinces et des territoires. La CSF favorise également le développement de la profession dans l'intérêt public. Puis, la vision de la CSF est que la profession sage-femme est une pratique fondamentale dans les services de santé maternelle et néonatale. Puis aussi désirait que toutes les femmes au Canada puissent avoir accès aux services sage-femme pour elles-mêmes et pour leur bébé, si elles le souhaitent, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Mme Emmanuelle Hébert, professeure au programme en pratique sage-femme de l'UQTR. Bonjour, Mme Hébert. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Bien, merci beaucoup d'être présente ce matin. On va commencer l'entrevue en faisant un peu état de votre parcours pour vous présenter. Donc, vous possédez un baccalauréat et une maîtrise en sciences infirmières. Puis, suite à ça, vous vous êtes dirigée vers la pratique sage-femme et vous avez gradué de la première cohorte de l'UQTR, soit cohorte de 1999 à 2003. Vous avez ensuite pratiqué à la Maison de naissance Côte-des-Neiges à Montréal durant 5 ans. Puis maintenant, vous êtes enseignante au baccalauréat en pratique sage-femme depuis 2008. On vous accueille ce matin pour que vous puissiez nous parler davantage de l'Association canadienne des sages-femmes du Canada et de votre rôle en son sein. Alors, merci d'être là, comme je vous ai dit. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous est venu l'intérêt au niveau du côté associatif de la profession. Je pense que depuis assez jeune, j'étais impliquée dans toutes sortes de projets, autant au niveau secondaire qu'ensuite au cégep. Et même, bon, pendant que j'ai fait mon baccalauréat ici, j'étais représentante étudiante. Et déjà la dernière année où j'étais au baccalauréat ici, ils ont ouvert une position, sur le CA du Regroupement des sages-femmes du Québec, une position pour les étudiantes de troisième ou quatrième année qui pouvait être une position d'administratrice, mais qui pouvait être prise par une étudiante. Et j'étais déjà à ce moment-là sur le CA du regroupement. Il faut dire aussi qu'en 2003, le nombre de sages-femmes était beaucoup moindre que maintenant. Et avec l'ordre qui se mettait en place, avec le regroupement qui se mettait en place, avec le programme aussi qui était encore à ses balbutiements ici à l'université, la majorité des sages-femmes avaient un peu une nécessité d'être impliquée quelque part. Et je pense que ça a commencé comme ça, là. C'était presque pas un choix. Il fallait s'impliquer et être sur certains comités pour que ça continue. Donc, mon désir d'être impliquée au niveau des associations était déjà présent, mais aussi, je pense qu'il y avait une nécessité qui était là au moment de la graduation. Oui, puis, donc, il y avait beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Il y en a encore aussi maintenant. Quel est votre mandat au sein de la CSF? Au niveau de la CSF, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une représentante de chaque province et de chaque territoire du Canada. Et il y a aussi maintenant, depuis un an et demi, une association des sages-femmes autochtones, donc le Conseil national des sages-femmes autochtones du Canada, qui est un peu... utilise l'Association canadienne des sages-femmes comme parapluie pour exister, mais on a donné aussi un siège à une sage-femme de ce conseil-là sur le CA de l'Association canadienne des sages-femmes. Donc, en fait, mon rôle, c'est vraiment de représenter le Québec, d'essayer d'amener la voix particulière du Québec à travers les différentes voix du Canada et d'apporter aussi les dossiers chauds, les choses qu'on a à négocier et discuter aussi au niveau canadien. Donc, ce qui se passe au Québec, mais l'amener au niveau canadien. D'accord. Et puis, est-ce que les postes au niveau du conseil d'administration, est-ce que c'est élu ou c'est nommé? Comment ça fonctionne? Normalement, effectivement, c'est des postes qui sont nommés, c'est pas des postes qui sont élus. Par contre, dans la majorité des cas, c'est des gens qui font déjà partie des associations professionnelles de leur province. Donc, ils sont déjà sur le CA de leur association. Parfois, souvent même, c'est la présidente de l'association provinciale qui va aussi être sur le CA de l'association canadienne. Au Québec, ça s'est passé un petit peu autrement. Moi, j'ai été nommée par le CA du regroupement pour représenter le Québec à la CSF. Puis, j'imagine que c'est un peu en continuité avec votre parcours d'implication, mais pourquoi exactement vous vous impliquez à la CSF? Oui, c'était en lien avec mon parcours. Je pourrais dire qu'au départ, j'étais un peu tirée par le bras. J'étais une des sages-femmes qui connaissait bien les dossiers du Québec et qui était bilingue. Et donc, on me dit, ça nous prend quelqu'un qui nous représente au niveau canadien. Vas-y, vas-y, vas-y. Par la suite, j'étais vraiment très, très, très contente de faire partie de cette association-là. Je pense que j'apprends beaucoup en contact avec... des sages-femmes de partout, mais donc des femmes extraordinaires qui ont travaillé très, très fort pour le droit des femmes à avoir des accouchements qui leur ressemblent. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Oui, en effet, ça semble fort intéressant. Quel est le mode de fonctionnement de la CSF? Ça, c'est assez particulier parce qu'évidemment, on se retrouve... parce qu'il y a les membres du CA, mais il y a aussi un conseil exécutif à la CSF. Donc, il y a une présidente, une vice-présidente, une secrétaire et une trésorière. Donc, on se retrouve souvent autour de la table près d'une vingtaine de personnes. Le mode de fonctionnement durant toute l'année se fait, c'est des réunions par téléphone, à peu près une fois par mois. Donc, on reçoit un ordre du jour, des documents à lire et on va... entériner les décisions du conseil exécutif du CE ensemble. Mais ce qui est particulier, c'est que tout se fait par consensus ou à peu près. Donc, ça fait des discussions qui sont très, très intéressantes. C'est sûr que l'avantage, on part toutes avec un peu la même philosophie, la même façon de voir les choses, mais parfois, il y a des façons de faire qui sont divergentes. Et c'est extraordinaire de voir comment, c'est quoi le processus qui se met en place pour arriver à un consensus. C'est vraiment très intéressant. Quand les sujets deviennent vraiment trop chauds et qu'on voit qu'on n'arrive pas à un consensus, à ce moment-là, on passe souvent à un vote secret, mais ça arrive peut-être une fois par année où il y a vraiment un sujet où on doit passer au vote. Sinon, ça se fait par consensus. Donc, par les réunions téléphoniques, beaucoup d'échanges par courriel, et une fois par année, donc un petit peu avant le congrès annuel de l'Association canadienne des sages-femmes, on va avoir ce qu'on appelle une retraite, mais un 2 jours de réunion de CA en face à face. Mais c'est vraiment impressionnant quand même de voir que ça se fait en... de façon, comment dire... Consensuelle. Oui, tout à fait. Merci, Mme Hébert. Parce que quand même, vous représentez vraiment toutes les sages-femmes de l'Atlantique au Pacifique, du Nord au Sud. Alors, vraiment, c'est inspirant. Les congrès annuels, justement, sont tenus habituellement là, à l'automne, au début novembre. Cette année, il y a eu lieu à Edmonton, au mois d'octobre. Je voulais savoir comment se déroule un congrès de l'Association canadienne des sages-femmes pour une représentante provinciale comme vous. Mais le congrès dure normalement 2 jours avec une assemblée générale là, d'une demi-journée avant le congrès. Par contre, nous, comme membres du CA, on va se rencontrer même 2 jours, sinon un peu plus, avant le congrès comme tel. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir ce qu'on appelle la retraite. Donc, on va avoir 2 jours de réunion. Toutes les sages-femmes de toutes les provinces, de tous les territoires, ou enfin, presque toutes. Là. C'est sûr que parfois, il y en a qui ont des empêchements et ne peuvent pas se présenter. Mais presque toutes les sages-femmes vont être présentes et on va donc avoir une table d'une vingtaine de personnes et de discuter de certains enjeux, par exemple, des stratégies pour l'année à venir, mais aussi parfois des sujets plus chauds ou des collaborations avec des associations de médecins ou d'infirmières. Donc ça, c'est dans un premier temps, on va avoir cette réunion-là. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que normalement, dans l'hôtel où se passe le congrès, il va y avoir aussi des réunions des autres... d'autres groupes de sages-femmes qui ont un certain pouvoir, je dirais, ou enfin une certaine importance dans le paysage canadien, c'est-à-dire, par exemple, il va y avoir une réunion des représentantes des ordres et des collèges des sages-femmes en même temps. Il y a aussi une réunion des représentantes des diverses formations, donc souvent des universités qui se donnent à travers le Canada. Donc, il y a des réunions de ces gens-là qui partagent, qui vont mettre des choses en commun, qui vont mettre de l'avant des stratégies communes aussi pour faire avancer les choses au niveau national. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que entre les réunions, pour les soupers, pour les rencontres de fin de soirée, par exemple, on va se retrouver toutes ces sages-femmes-là ensemble et il y a des échanges qui se passent là qui sont plus de niveau informel, mais vraiment très intéressantes et stimulantes. Mm. Oui, il doit y avoir beaucoup de discussions. Je ne suis pas inquiète là-dessus. Qui assiste au congrès exactement? Bon, on sait les sages-femmes canadiennes, mais exactement? Mais c'est sûr que c'est surtout des sages-femmes canadiennes qui assistent au congrès. Puis là, on a des sages-femmes qui viennent de partout. Ça tourne autour de entre 200 et 250 participants, je dirais participants, parce qu'il y a aussi toujours quelques médecins qui vont venir assister au congrès. Parfois, vont faire certaines présentations. Des médecins qui sont solidaires à la cause sage-femme, évidemment. Quelques infirmières et aussi quelques sages-femmes qui viennent de l'extérieur. Surtout des États-Unis, mais parfois, on peut avoir une représentante... par exemple, il y a 2 ans, il y avait quelques représentantes des sages-femmes d'Haïti. On a des sages-femmes des autres pays, comme des Pays-Bas ou de l'Angleterre, qui peuvent parfois aussi venir faire des présentations et assister au congrès. D'accord. Donc, au niveau personnel et professionnel, qu'est-ce que cette implication-là vous apporte? Je dirais que c'est... extrêmement stimulant et inspirant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais d'être en contact avec toutes ces femmes qui ont travaillé très, très fort pour faire avancer la profession et travaillent encore très, très fort pour faire avancer la profession. Ce qui est très particulier, c'est de voir comment, malgré les différences de pratique, parce qu'il y en a à travers le Canada, ils ne sont pas nécessairement énormes, mais il y en a, de voir comment ces femmes-là portent toute la même philosophie et mettent tous les besoins de la femme et les répondre à leur désir d'avoir un accouchement qui leur ressemble à ces femmes-là au centre de leur réflexion puis de leur pratique. Donc, ça donne lieu à beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions. Il y a une pensée qui évolue à travers tout ça. D'année en année, c'était ma 3e année cette année que j'assistais que je suis sur le CA. Donc, j'ai vu aussi une évolution dans la pensée. Et ça, c'est très, très stimulant. Donc, stimulant et inspirant pour ma pratique, pour ma pensée, pour ma réflexion autour de ce que c'est être une sage-femme et ce que ça devrait être. Puis ensuite, vous en faites bénéficier à vos étudiantes en pratique sage-femme? J'espère un petit peu. Oui, je crois que oui. Actuellement, qu'est-ce que vous entrevoyez comme rôle majeur ou priorité pour l'Association canadienne des sages-femmes? Moi, je crois que, bon, c'est sûr que pour le moment, toutes les provinces au Canada ou tous les territoires, la profession n'est pas légalisée partout. Donc, il reste ce rôle-là de soutenir les provinces qui n'ont pas une légalisation. Par contre, il en reste très peu. La profession est de mieux en mieux implantée à travers tout le Canada. Donc, je pense que le rôle majeur dorénavant de l'association est vraiment de faire entendre une voix sage-femme à travers le pays, tout ce qui touche la santé maternelle et infantile au Canada. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Le rôle majeur. Par contre, il y a aussi un rôle au niveau international qui est important, de soutenir des pays où la profession fonctionne moins bien et de mettre en place aussi peut-être des projets pour aider des pays où la profession fonctionne moins bien aussi. D'accord. Puis, quel type de reconnaissance a la CSF dans la communauté, notamment au niveau médical, scientifique ou à travers les autres pairs? Une reconnaissance de plus en plus grande. On atteint bientôt les 1000 membres dans l'Association canadienne des sages-femmes. Donc, ça commence à devenir intéressant en nombre et notre voix ne peut plus être aussi étouffée qu'elle l'a déjà été. Donc, je pense que c'est une reconnaissance de plus en plus grande. La SOGC commence à nous prendre, à entendre de mieux en mieux la voix des sages-femmes là, dans le paysage de la périnatalité au Canada. La même chose au niveau du ministère de Health Canada, Santé Canada. Donc, je pense que oui, c'est une voix qui est de plus en plus importante. Oui, avec un grand nombre de membres, c'est très encourageant pour toutes les sages-femmes du Canada. Donc, je vous remercie infiniment, Mme Hébard, de nous avoir dressé un portrait global de l'Association canadienne des sages-femmes, puis de votre rôle aussi. Merci de nous représenter. En fait, aussi, je voulais savoir, avez-vous d'autres choses à ajouter sur l'association ou selon vous, vous avez fait le tour de la question? Je pense que j'ai fait le tour de la question. Peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est un petit peu plus sur le congrès. Comment ça fonctionne le congrès, c'est qu'il y a des gens qui viennent présenter leurs recherches d'un peu partout dans le monde, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi il y a des plénières où il y a des réflexions et il y a aussi des gens qui partagent des trucs de formation. Donc, ça reste un congrès qui est très, très intéressant et j'inviterai les gens à venir. L'année prochaine, ça devrait être en Ontario. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui veulent entendre parler plus d'où est rendue la profession sage-femme au Canada. Oui, puis même les étudiantes en pratique sage-femme vont se sentir interpellées justement lors de notre prochaine entrevue avec notre représentante. Je pense que ça va être très intéressant. Mais merci infiniment, Mme Hébert, qui est professeure au programme du baccalauréat en pratique sage-femme ici à l'UQTR, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Mais bienvenue, ça m'a fait très plaisir, Véronique. Merci. Alors, nous allons aller en musique avec la pièce instrumentale décalée sur l'album Solano du groupe Scarazzula. Thank you. divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier avec de nombreux avantages. Conçu pour vous et adapté à votre réalité. Rendez-vous à votre succursale sur le boulevard Jean 23 et découvrez comment financer vos études en toute simplicité. Profitez d'un compte bancaire sans frais et bien plus encore. De plus, courez la chance de gagner un fabuleux voyage au Mexique. Pour tous les détails, visitez banquedelasante.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. C'est fou, ça. 89.1. C'est ça, ça me donne le goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 à connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. Pour faire suite à notre entrevue avec Mme Emmanuelle Hébert, professeure, on vous invite à aller consulter le site de l'Association canadienne des sages-femmes, ou CAM, Canadian Alliance of Midwives, et puis vous pouvez le faire au www.canadianmidwives.org, donc CANADIANMIDWIVES en un mot, .org. Vous allez avoir de plus amples informations. Nous allons continuer à découvrir l'Association canadienne des midwives en écoutant une entrevue qui a été réalisée plus tôt cette semaine par Sophie Beaudoin-Dion, étudiante en pratique sage-femme de troisième année à l'UQTR, qui s'est entretenue avec Chantal Gauthier-Vaillancourt, qui est étudiante en troisième année en pratique sage-femme ici à l'UQTR, mais qui est également la représentante des étudiantes sages-femmes canadiennes à l'Association canadienne des sages-femmes. Alors, nous allons écouter cette entrevue. Alors, bienvenue Chantal. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, j'aimerais ça que tu commences par nous parler de ton parcours d'étudiante sage-femme. Ben oui, ça me fera plaisir, Sophie. Dans le fond, moi, j'ai fait stage 1 et 2 à Mont-Joli. Et puis ensuite, j'ai fait mon stage 3 en Alberta, à Stony Plain, avec une équipe de 4 sages-femmes, dans un espace qui ressemble un peu comme une maison de naissance, mais c'est comme un pavillon d'un centre hospitalier. Très intéressant. J'imagine que ce parcours particulier-là fait un peu la personne que tu es maintenant. Et j'ai appris depuis peu que tu es notre représentante étudiante à l'Association canadienne des sages-femmes. Alors, depuis quand? Oui, j'ai le privilège de vous représenter depuis l'association, dans le fond, depuis l'AGA. Mais c'est ça, j'ai été sélectionnée par un comité qui siège au niveau national, puis je représente toutes les étudiantes sages-femmes du Canada. Parfait. Donc, tu as été nommée à cet AGA-là qui a eu lieu lors du congrès de l'Association canadienne des sages-femmes annuelles, le congrès qui s'est tenu en début octobre. En effet, j'ai été sélectionnée avant l'AGA. Donc, c'est ça, j'ai envoyé, ils nous ont envoyé une demande pour des CV et tout ça. Je pense que c'était au mois de mai ou juin. Puis moi, j'ai envoyé mon CV, puis j'ai su juste au mois de septembre que j'ai été sélectionnée. Parfait. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à appliquer, à envoyer ton CV au mois de mai à ce moment-là, lorsque tu as vu qu'il y avait cette ouverture-là? Dans le fond, premièrement, moi, je voulais savoir un peu la direction de la profession sage-femme au niveau national ou fédéral. Justement, on entend des choses un peu partout, puis c'était très ambigu pour moi, un peu boiteux. Je voulais savoir un peu plus qu'est-ce qui se passait dans les autres provinces. Surtout que c'est sûr que j'avais un intérêt parce que j'ai quand même fait un stage hors Québec. Et puis, je voyais que les choses se passent un peu différemment. Je voulais savoir si c'était le cas dans toutes les autres provinces. Donc, c'est ça qui m'a poussée vers envoyer ma candidature. Puis, c'est ça. En tout cas, c'est super intéressant puis stimulant pour moi. Et puis, donc, sur quels critères est-ce que tu as été sélectionnée? Dans le fond, deux des critères majeurs, c'est ils veulent quelqu'un qui est bilingue. Puis, dans le fond, ils espèrent que la candidate va avoir fait des stages dans plus qu'une province. Alors, critères que tu remplis parfaitement. Alors, dis-moi plus, comment est-ce que tu envisages ce rôle-là de représentante des étudiantes au niveau national? Bien, je vais avouer, Sophie, que c'est quand même un grand défi. Et puis, c'est la première fois, dans le fond, qu'ils ont demandé une étudiante, une représentante étudiante sur le CA. Donc, mon rôle n'est pas bien défini. Puis, ça a été déterminé à l'AGA, dans le fond, que mon but, mon mandat pour l'année, ça va être de créer des liens entre toutes les étudiantes de sage-femme au Canada, mais aussi, surtout, créer un volet étudiante sage-femme lors de l'AGA l'an prochain, puis permettre aussi, dans le fond, avoir comme une section sur le site web qui va être dédiée envers les étudiants. Donc, beaucoup de projets. C'est quoi le plus grand défi là-dedans que tu envisages pour toi pour remplir ce mandat-là que tu t'es donné? Bien, comme vous le savez, le Canada est immense. Et puis, en ce moment, même juste avoir les contacts de toutes les universités, ça, c'est un défi parce que même il y a des programmes qui sont moins bien définis que le nôtre. Les étudiantes sont partout dans les stages. Je dis étudiants aussi parce qu'il y a un étudiant homme, dans le fond, à Ontario. Donc là, je me mêle, là, je dis tout le temps étudiante, puis tout d'un coup, je suis comme consciente du fait que je peux pas dire juste étudiante, là. Mais bref, c'est ça. Le défi, c'est la distance, puis le fait que ça va être difficile de se réunir. Donc justement, une réunion, une rencontre étudiante, c'est un défi au niveau financier. Oui, certainement. Alors, lors du congrès annuel, justement, début octobre, donc à l'AGA où on t'a fixé ton mandat, qu'est-ce que ça a été comme expérience pour toi, globalement, ce congrès-là? Ben, c'est ça. Dans le fond, je disais que ça l'a ouvert mes yeux à un autre monde. Ça a été très inspirant, encourageant, des fois, parfois décourageant de voir comment lent que la progression de la pratique peut être, surtout dans comme vraiment les provinces de l'Est, exemple l'île du Prince-Édouard. Mais bref, inspirant parce que j'ai vraiment vu que la vision globale de toutes les sages-femmes, peu importe le type de pratique, peu importe leur champ de pratique, et peu importe où ce qu'ils habitent, si c'est rural, urbain, peu importe, on veut toute la même chose. Puis c'est toujours pour le bien-être de la femme. Et juste ça, c'était encourageant. Oui, oui, cet esprit de solidarité-là dans la périnatalité à travers tout le Canada, je peux très bien imaginer le souffle que ça peut inspirer. Et je t'envie un peu, je l'avoue. Alors, justement, donc c'est ça qui t'a marqué au niveau du congrès. Puis, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement comment ça a fonctionné, le pré-congrès, le congrès, ou ce qui t'a marqué cliniquement aussi dans tes apprentissages? Oui, justement, ce qui était le fun, c'est que le pré-congrès était ouvert à tout le monde, donc le grand public aussi. C'était intéressant de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'accompagnantes à la naissance. Il y avait des infirmières, des médecins, des sages-femmes, évidemment, et des étudiantes sages-femmes. Donc, le pré-congrès, ils ont offert ben, des ateliers très cliniques là, par rapport à la réhabilitation périnéale, les sutures. Aussi, il y avait une section, il y avait une femme qui nous présentait des recherches qu'elle faisait en Alberta par rapport à les accouchements vaginaux versus césariennes et les effets sur le périnée. Puis, c'était des données très concrètes qu'elle a prouvées, dans le fond, que c'est la grossesse et non pas l'accouchement qui va affecter le périnée. Et puis, finalement, il y avait aussi un partage de connaissances sages-femmes, des différents trucs, des trucs sages là, pour nous aider à stimuler la guérison du périnée et tout ça. Donc, c'était super intéressant. Puis, c'était le fun, justement, de faire un échange puis de partager avec d'autres gens qui travaillent en périnatalité, mais qui ne sont pas nécessairement des sages-femmes. Alors, Chantal, tu nous as parlé tout à l'heure un peu de qu'il y avait des situations plus ou moins encourageantes à travers le pays. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait rapidement de ce qui se passe dans les autres provinces? Oui, dans le fond, je vais quand même garder ça assez simple. Je vais vous dire un peu comme le nombre de sages-femmes par province, puis s'ils font surtout des accouchements à domicile, et puis aussi s'il y a un programme d'éducation. Donc, en commençant avec l'Ouest, en Colombie-Britannique, il y a 167 sages-femmes, et puis présentement, les sages-femmes font 10% des accouchements dans la province. Donc, c'est quand même très bien. 10%, c'est à peu près l'objectif qu'on viserait à atteindre au Québec aussi. Oui, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça encourageant quand même. Puis, 25 à 50% des accouchements se font à domicile. Les autres, c'est en CH, puis il y en a quelques-uns dans des centres de maternité. Puis ensuite, il y a, ben, justement, ils ont le programme universitaire là, qui maintenant, ils viennent de changer ça à 5 ans. Et puis, ils ont 10 à 12 étudiantes définissantes par année. En Alberta, il y a 50 sages-femmes et puis 60 % des accouchements se font à domicile. Ils vont avoir un programme universitaire qui commence au mois de septembre 2011 avec des places réservées pour les étudiantes autochtones. Et puis, ils visent 10 à 12 étudiantes aussi. Ça va se faire à Calgary. À Saskatchewan, on est rendu avec 7 sages-femmes, donc c'est quand même, ça s'en vient. Et puis Manitoba, cette année, il fait 10 ans de réglementation. Ils sont rendus avec 45 sages-femmes et 2 programmes d'éducation. Un qui est réservé juste aux étudiantes autochtones et l'autre qui est ouvert à tout le monde, dans le fond. Ontario, 535 sages-femmes. Ce qui veut dire qu'ils ont dépassé le nombre d'obstétriciens dans la province. Il y a à peu près, dans le fond, il y a des sages-femmes dans 80 des 100 CH de la province. Puis eux autres. Centres hospitaliers, CH. Ah oui, des centres hospitaliers. Puis eux autres aussi ont atteint le 10% d'accouchement de la province, dans le fond. Ils ont 3 programmes universitaires avec un total de 60 à 90 finissantes par année. Puis là, au Québec, bien évidemment, on connaît tous le programme qui existe ici, à l'UQTR. Et puis, on a 138 sages-femmes au Québec. Nouveau-Brunswick, la réglementation, c'est très récent. Et puis, pour le nombre, malheureusement, il n'y a pas de représentante. Donc, je n'ai pas su vraiment le nombre de sages-femmes dans la province. Nouvelle-Écosse, il y a 8 sages-femmes. Terre-Neuve, le gouvernement a démontré un intérêt envers développer la pratique sage-femme, mais ils ne se sont pas engagés de façon financière, donc c'est à suivre. Et puis, l'île du Prince-Édouard, ils ont une sage-femme, mais elle ne pratique pas parce qu'il n'y a pas de réglementation dans la province. Et puis, ce qui était super intéressant par rapport au Yukon, les territoires du Nord-Ouest, puis Nunavut, ils ont à peu près 3 à 4 sages-femmes dans chacun des territoires, puis c'est ça, ce qui est encourageant de savoir, c'est que ça permet à les femmes de rester chez eux pour accoucher au lieu de se faire comme déporter là, ou déménager, peu importe, mais ils peuvent rester dans leur communauté, accoucher, et puis c'est juste le fait d'avoir des sages-femmes sur place qui leur permet de faire ça. Puis en plus, le gouvernement a l'air vraiment intéressé, veulent vraiment développer la pratique sage-femme dans le Nord. Puis aussi, ils veulent avoir un programme d'éducation là pour les sages-femmes aussi. Excellent. Donc, on voit déjà des avantages là, de la présence de ces sages-femmes-là, même en si petit nombre. Justement. Puis, la présence de CAM aussi, ou de l'Association canadienne des sages-femmes, même si c'est une jeune association, là, c'est vraiment, dans le fond, en 2005, juste pour vous donner un exemple, il n'y avait que 4 membres. Et puis maintenant, 2010, on est rendu à 1023 membres, avec 3 membres du personnel. Donc, en 5 ans, c'est quand même assez impressionnant. Là. Puis c'est ça, c'est un jeune organisme, mais ils vont, je pense que ça va continuer à se multiplier, puis on va réussir à quand même avoir du poids, puis être capable de faire des petits changements aussi. Merci. Plaisir. Qu'est-ce que tu envisages, toi, pour la suite des choses, pour le prochain congrès ou dans ton rôle? Justement, ça va être d'aider la prochaine représentante ou le prochain représentant, peu importe, de continuer à créer les liens entre toutes les étudiantes. Et puis, comme j'ai dit, de créer un volet vraiment avec une présence des étudiantes sages-femmes lors des prochains congrès et aussi sur le site web. Alors, merci infiniment à Sophie Beaudoin-Dion d'avoir réalisé l'entrevue avec Chantal Gauthier-Vaillancourt, notre représentante canadienne pour les étudiantes en pratique sage-femme. Donc, je pense que les étudiantes vont se sentir interpellées et concernées. Alors, merci infiniment. Durant toute l'émission, nous avons vu les divers groupes associatifs qui œuvrent au niveau provincial et national. Mais maintenant, au niveau mondial, c'est la Confédération internationale des sages-femmes qui supporte, conseille et regroupe plus de 90 organisations nationales. La Confédération est un organisme non gouvernemental qui travaille en partenariat étroit avec l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et plusieurs autres organisations afin d'atteindre des buts communs pour les soins aux femmes et aux enfants. La santé maternelle et infantile font partie des objectifs du millénaire du développement qui ont été mis en avant par les instances internationales. On voit qu'on a un besoin criant de sages-femmes partout dans le monde parce qu'on voit que ça répond bien aux besoins des femmes dans différents milieux du monde, que ce soit dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux. Le prochain congrès se tiendra d'ailleurs pour la première fois sur le continent africain en juin 2011 à Durban, en Afrique du Sud, où toutes les sages-femmes du monde sont conviées à se rassembler pour réfléchir à comment elles peuvent contribuer concrètement à soutenir les soins aux mères et aux jeunes enfants dans tous les pays du monde. La semaine prochaine, l'émission aura pour thème la naissance orgasmique. Jessica Boulanger, votre co-animatrice de l'émission, accueillera un témoignage et démystifiera pour nous ce concept. Nous avons parlé des groupes désirant une maison de naissance, soit au début de l'émission ou dans les dernières semaines. Et puis, sachez que le comité de Lanaudière ainsi que le comité de la grande région de Kamouraska ont inscrit leur projet au concours de fonds communautaires Aviva, qui vise à encourager les initiatives positives et durables dans la société. Une maison de naissance est un projet de grande envergure et de longue haleine. Et si nous continuons à croire que cela va être financé par l'État, ça peut être, en fait, le fonds Aviva peut représenter un levier en or pour faire débloquer des fonds. Les gagnants seront sélectionnés parmi les projets qui auront reçu le plus de votes du public. Donc, c'est très important, si vous croyez au projet, d'aller voter. Ces projets-là ont un grand potentiel de réussite. Vous pouvez aller consulter leur site Internet, en fait, leur page Facebook. Ça va vous prendre 2 minutes. Alors, si vous voulez aller voter, en fait, il ne reste qu'une journée, malheureusement, mais vous pouvez le faire au www.fondscommunautaireaviva.org. Non, fonds avec un S, communautaire au singulier, Aviva, Aviva.org. C'est déjà la fin de notre émission. Je vous rappelle que toutes les émissions se retrouveront sous peu en balado-diffusion à uqtr.ca/co-naître. Notre courriel est également sur le site. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en devenant membre de Co-naître ensemble pour en apprendre davantage sur l'émission ou sur les sujets qui touchent à la périnatalité. Je tiens à remercier tout particulièrement Sophie Beaudoin-Dion à la réalisation et à la création de cette émission, ainsi que Bronwyn Agnew à la technique. Et puis, un merci particulier du fond du cœur à nos deux invités, Mme Emmanuelle Hébert ainsi que Chantal Gauthier-Vaillancourt. Nous remercions également la Chasse-Galerie, qui est notre commanditaire pour l'émission. Puis, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine. Nous allons nous quitter en musique avec la pièce « Paysage » tirée de l'album de Dédé à travers les brumes. C'était Véronique Bazinet pour l'émission « Connaître ensemble ». On vous attend la semaine prochaine, soit mercredi de 10h à 11h sur les ondes de C'est fou 89.1. Composer chastement mes églogues, couché auprès du ciel comme les astrologues, et voisins des clochers, écoutés en rêvant leur hymne solennel emporté par le vent. Les deux mains au menton du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde. Les tuyaux, les clochers, c'est ma de la cité, et les grands ciels qui font rêver. Comme il est doux, à travers la brume, de voir naître l'étoile. Comme il est doux, à travers la brume, de voir naître l'étoile. Et la lune versait son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je rêverai mes horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les comme il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Comme il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Comme il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Comme il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Wahale bougene bougonye wakakmo, bougela dafe fumi atuna bidala togo. Wahale bougene bougonye wakakmo, bougela dafe fumi atuna bidala togo. Dindi yo kai sendele alma, kamili do kisnani ay sendele. gen ma Comme il est doux Jante bika y se de l'en ma Comme il est doux Gistani a y se de gen ma Comme il est doux Asaman ka y se de l'en ko Comme il est doux Gistani a y se de gen ma Comme il est doux Taoumi ka y se de l'en ko Comme il est doux De voir naître l'étoile Comme il est doux